Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans un caprice de lecture un peu spécial parce que je vous invite à embarquer avec Flibustier, Corsaire et Lucas Dacosta qui nous offre aujourd'hui le plaisir d'être au micro de Caprice de lecture pour un de ses derniers ouvrages, Mythologie personnelle et utopique des plus fameux pirates. Lucas, bonjour. Et bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir. Ben, plaisir. Alors, j'allais dire plaisir partagé, mais je ne reçois pas, je suis invité. Donc plaisir d'être là. Je suis très contente et en plus, on va parler d'un tout autre sujet où je te découvre. Parce que d'habitude, tu es plutôt dans la poésie ou plutôt, je dirais, de manière plus large dans la littérature classique. Et là, aux surprises, je découvre ou redécouvre, parce qu'on en avait échangé un petit peu auparavant, que Lucas est passionné de piraterie et de pirates. Oui, c'est assez, c'est incroyable. Assez énorme comme passion. Alors, c'est même pas antinomique, c'est juste, je dis, tiens, il y a deux personnes dans le même corps, peut-être, ou dans la même tête, dans le même esprit. Peut-être plus que deux, figure-toi. Peut-être plus que deux. Alors justement, Lucas, bon, tu connais le principe de caprice de lecture, hein, donc je te fais pas le petit pitch, on y va. On y va. D'accord. Alors, tu es poète et tu nous emmènes là, sur les océans, accompagné de pirates, boucaniers et corsaires. Ouais. Pourquoi cette passion et cette envie, surtout, de la partager à travers... Moi, j'appelle ça un recueil. C'est oui, une sorte de recueil de biographie, oui. Les pirates les plus célèbres. Les plus connus, oui, voilà. Effectivement. Oui. Alors, ça vient d'où, ça? Eh ben, ça vient de l'enfance. Ça vient du goût immodéré pour Peter Pan d'abord et Pirates des Caraïbes ensuite. Ouais. Tu le dis un peu en préface de ton livre. Ouais, effectivement, ouais. Parce que quand j'étais gosse, je jouais avec un petit groupe de jeunes et je me déguisais en plein dans la rue. On me voyait déjà saper avec des fringues de pirates. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, j'ai toujours développé ce goût pour le costume puisque j'ai un costume pirate que je fais valoir, celui de Barbossa que je cosplay, même si j'aime pas trop ce terme. Mais effectivement, oui, et ça vient de l'enfance. Ça vient de mon goût immodéré pour d'abord le Capitaine Crochet et puis après bah, Pirates des Caraïbes quand je l'ai découvert. C'est le côté aventure là qui te plaît, c'est le côté ou le côté un peu brigand, parce qu'au début du livre, en plus, ce qui est très intéressant, et je le dis pour les auditeurs qui liront ton ouvrage, c'est que tout de suite tu plantes le décor. Attention, dans les pirates, il y a corsaires, boucaniers et puis les vrais pirates au sens premier du terme. Ah ouais. Et toi, je me dis, mais d'où lui vient cette passion? Est-ce que c'est le côté un peu aventure, sortir des codes comme ça? Est-ce que c'est ça, chez toi, qui t'anime? Voyage, aventure et transgression. Ah ouais. Aussi. Alors, je suis surprise. Non, ne le sois pas du tout. Ah oui, plus que jamais. Et encore plus aujourd'hui. D'accord. Parce que les pirates, c'est un symbole le plus parlant possible, et en particulier esthétisé par le romantisme, c'est le symbole le plus parlant possible du refus d'une autorité qui est d'ores et déjà dégradée, et ça fait beaucoup parler encore plus aujourd'hui quand on voit qu'on est dans une société qui est de plus en plus dans une forme de contrôle qui se revendique même pas, mais qui est là quand même. Bah clairement oui, pirates, plus que jamais pirates, parce que les pirates, c'est le refus d'une autorité trop écrasante, hein. Enfin, je veux dire, je le dis à un moment donné dans mon bouquin, hein, et c'est... Il y a le côté un peu, t'en parles aussi, le côté un peu pillage. Alors il y a du pillage, on va dire, alors pas poli, mais du pillage propre, et puis il y a du pillage violent. Oui, après, voilà. Bon, il faut pas se leurrer, c'est pas parce que le romantisme a esthétisé les pirates que ça reste pas des pilleurs, des violeurs. C'était intéressant. Et moi, je me suis dit, on passera après à la deuxième question, et moi, ça me faisait un peu penser un petit peu à toutes les légendes qu'on porte autour des Vikings. Qui débarquaient comme ça, qui pillaient tout. Bon, on y revient un peu parce qu'on se rend compte qu'en fait, non, pas forcément. Ils pillaient pas tout, ils tuaient pas tout le monde sur leur chemin. Mmh. Et ça, j'ai fait un peu le parallèle. Alors, peut-être pas à juste titre, mais la première image qu'on a du pirate, c'est vraiment celui qui débarque ou qui va attraper un autre navire, qui tue tout le monde, qui chope le trésor et qui s'en va. Voilà, c'est la première image, moi. Alors oui, dans l'histoire, il n'était pas forcément comme ça. Il voulait récupérer les cargaisons, mais il n'allait pas forcément toujours à la bataille, hein. S'ils pouvaient éviter, c'était tant mieux. Maintenant, il y avait aussi des gens qui étaient extrêmement sadiques. Je pense en particulier à Edward Ned Law, enfin celui qui est surnommé Ned Law, qui est Edward Law, ou alors François Lelonnais au début de l'âge d'or. Ce sont des gens qui ont torturé pour le plaisir, qui ont et plus que de raison. Hein, donc, Alors justement, tu parles de Henry Morgan, William Wright, Charlotte de Berry. Ouais. Comment as-tu mené tes recherches pour établir, voilà, pour moi, ce recueil? Ça vient d'où? Eh ben, le titre de mon ouvrage rappelle en substance, et c'est ma source principale, l'histoire générale des plus fameux pirates d'un certain capitaine Johnson, qui serait en fait, ce capitaine Johnson serait Daniel Defoe, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Okay. Et cette Bible-là, parce que j'appelle littéralement ça une Bible, eh ben, elle contient toutes les informations biographiques des plus vivants... Les plus éminents pirates. Voilà. Okay. Même s'il faut quand même le préciser, parce qu'on accorde toujours, on conjugue toujours le pirate à cette à quelque chose d'un petit peu inventé, de fictif. Ce texte qu'on dit être sans doute de Daniel Defoe contient aussi pas mal de d'exagérations, d'erreurs, d'aspects romancés, etc. Et on a bien fait d'avoir des historiens, et Dieu sait qu'il y en a. Pour un petit peu rétablir une forme de vérité, ou alors avoir d'autres écrits, je pense à un autre homme plutôt chirurgien cette fois-ci, qui est Oxmelin, qui lui-même a écrit l'histoire des aventuriers qui se sont signalés dans les Indes, je crois à la fin du 17e, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui aussi parle de Morgan. Et d'ailleurs, tu parlais d'Henry Morgan. Henry Morgan s'était fâché avec Oxmelin parce qu'il trouvait que le portrait qu'il avait fait de lui était pas terrible. Alors il lui avait dit « Eh oh !» ça va pas. Et fantasmer un peu les lecteurs. Bah quelque oui, part, mais oui. C'est pour ça que moi, mon but, ça n'a pas forcément été que de verser dans une vérité historique, même si je parle d'histoire au début du bouquin, ouais. Et que souvent, en note de bas de page, je précise qu'il y a certaines incohérences. Bah, parce que le pirate tel qu'on est aujourd'hui, c'est aussi se bercer par le rêve qui est si important pour moi. Et donc, du coup, oui, ça, la source de tout ça, c'est réellement ce texte, et c'est aussi bah, la passion que j'ai, et presque le on est quand même pas loin à la limite d'évoluer avec eux, hein. Enfin, je veux dire, j'en suis pas loin. Quand j'ai lu Mythologie personnelle et utopique des plus fameux pirates, alors deux surprises. La première, c'est que moi, dans ma tête, il y avait justement ces navires avec le drapeau tête de mort. Enfin, moi, j'étais à fond dans le fantasme. Pas tant que ça. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai découvert qu'il y avait des femmes pirates. Ouais, et ouais. Moi, je me dis, à l'époque, je pense à Charlotte de Berry, où vraiment, elle a une vie incroyable. Ah oui, c'est pas incroyable. Une vie terrible. C'est, enfin, incroyable, oui, ça dépend comment tu l'entends. Dans les deux mais sens là, du terme. Ouais, voilà, ça n'a pas été simple, compliqué, mais oui, quand même. Compliqué. Mais je me dis, il y avait quand même des femmes qui étaient déjà assez émancipées à l'époque pour aller contre toutes les transgressions, parce qu'elle va jusqu'à se grimer, etc. C'est quelqu'un qui la dénonce, en fait. Ils essaient quand même de rentrer dans un monde qui est essentiellement masculin, mais ils n'y vont pas avec une certaine aisance. Mais hein, quel je veux dire. Ah bah oui. Voilà, enfin, moi je me dis, est-ce que j'aurais eu le courage de faire ça? Non, c'est sûr. Alors, première coupure musicale de ton choix, et tu vas nous expliquer pourquoi, c'est de Ronnie Drew, Parting Glass, c'est ça? Oui, effectivement, Ronnie Drew, tout simplement parce que c'est un chanteur qui rappelle effectivement les tonalités un petit peu irlandaises, et il chante The Parting Glass, parce que The Parting Glass, c'est une musique qui rappelle que les choses essentielles tournent surtout autour du voyage, et ça me semblait essentiel avec un texte justement qui nous parle des pirates et qui nous emmène, entre autres, dans les Caraïbes, à Madagascar, dans toutes ces étapes-là. Et cette chanson-là, alors ce n'est pas la version que les auditeurs vont écouter, mais cette chanson là figure dans un jeu vidéo que j'ai beaucoup apprécié, qui est justement Assassin's Creed 4, qui place son intrigue dans le monde de la piraterie et dans l'âge d'or. Et cette chanson est chantée entre autres par Anne Bonny. Enfin, on fait chanter Anne Bonny, même si il y a quelques libertés prises avec l'histoire. Mais et donc, cette musique me plaît énormément. Et quand je suis à mes moments nostalgiques, j'aime beaucoup parler de tout ça. Et on découvre tout ça et on revient juste après pour la suite de Caprices de lecture. All of all the money that ever I had, I spent it in good company. And of all the harm that ever I done, Alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, of all the comrades that ever I had, they are sorry for my going away. And of all the sweethearts that ever I had, they would wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I gently rise and I softly call. Good night and joy be with you all. Oh, if I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair maid in this town that sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby lips, I own she has my heart in thrall. Then fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, où nous voyageons sur les mers et océans, bercés par la mythologie personnelle et utopique des plus fameux pirates, de Lucas d'Acosta. Lucas, est-ce que ça va ? Ça va parfaitement, je te remercie. Super, alors justement Lucas, troisième question, quel est ton pirate préféré et pourquoi ? Je suis en mesure de répondre très facilement. Alors ? C'est un pirate qui a évolué à la fin de l'âge d'or, qui s'appelle Bartholomew Robert. Ok, tu en parles ? Oui, j'en parle tout simplement parce que c'est celui qui a inspiré, on ne le sait pas toujours, mais le capitaine Crochet. Ok. Que j'ai beaucoup aimé quand j'étais gosse. Et c'est aussi l'un des pirates qui était, on va dire, très classe déjà. C'est-à-dire qu'il s'habillait bien, etc. Il avait certaines manières et il refusait que ses hommes, au moment où il a récupéré une capitainerie à la fin de l'hégémonie de son capitaine Howell Davis, il a en fait récupéré une capitainerie, et Henry Morgan, qui a évolué au début de l'âge d'or, et Bartholomew Robert sont les deux grands pirates qui ont inventé ce qu'on appelle le contrat de chasse-partie, qui fixe les règles à bord avec il ne faut pas fumer, il ne faut pas jouer, il ne faut pas boire, interdiction de faire venir des femmes à bord, etc. Tout simplement parce que ce sont des règles qui permettent du coup la discipline qu'exige la tenue d'un navire. Ce pirate m'inspire beaucoup, et il a été très prolifique et il a une mort tragique, puisque il y a un lieutenant de marine qui s'appelle Chaloner Ogle. Réminiscence de savoir s'il était réellement lieutenant, mais de tout sûr, après son exploit avec Roberts, il va finir amiral. Et il le pourchasse. Alors il demande aux marchands, etc., où est Roberts, etc., etc. Et il finit par le choper près de Sao Tomé et Principe, sur la côte ouest africaine. Et à ce moment-là, Bartholomew Roberts affronte Chaloner Ogle en 1722 contre justement le navire d'Ogle qui est le Swallow, et en fait Robert se prend tragiquement un boulet en plein milieu du ventre, et donc il meurt très tragiquement alors qu'il avait bien l'intention d'en finir avec lui. Alors c'est marrant parce que tu parlais de, quand tu as commencé à parler de ce personnage, Bartholomew Roberts, tu as parlé d'élégance, c'est le premier mot que tu as dit, élégance. Bah, est-ce que c'est important pour toi? Bah, c'est alors l'élégance, pas que l'élégance vestimentaire. Hein. Non, mais... L'élégance, c'est l'élégance dans la tenue, l'élégance dans le savoir-être, le savoir-faire. Oui, parce que qui me connaît sait déjà que j'aime beaucoup porter les chapeaux. Oui. Mais Toi, la forme d'élégance, elle peut être dans les mots choisis, elle peut être dans, moi, dans plein de choses. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le pouvoir des contrastes. Et donc, dans la même phrase, je suis capable de te sortir un mot soutenu et un mot vulgaire. Ça, je sais. Parce que... Le mot élégance, je trouve, a vraiment son importance quand tu parles de ce pirate-là. Bah, oui, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des gens qui sont un petit peu attifés, ce qui est le cas la plupart du temps. Oui, un peu sale, un peu... Voilà, ouais, et un même peu si... pouilleux, avec le scorbut. Enfin, effectivement, bon, bref, même s'ils sont pouilleux, on peut avoir des gens qui cherchent justement à bien s'habiller. Alors, en règle générale, c'est assez disparate parce que on récupère un pistolet par-ci, une ceinture par-là, une redingote ici. Enfin, et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas uniforme, contrairement à la marine où on récupère tout du même endroit, puisque est-ce que ce serait un signe extérieur en fait ? Et toi, tu parles de récupération, tout ça. L'élégance serait-elle un signe extérieur de pouvoir, dans le cas de Barthélémy Roberts, par exemple. Oui, mais c'est, l'élégance, en fait, elle est plus dans le... Parce que c'est difficile de parler d'élégance dans les actes qu'ils font, mais l'élégance, elle est plus dans cette volonté qu'ils ont de transgresser une injustice qui leur a été faite, à savoir le fait, pour beaucoup de pirates à l'époque de l'âge d'or, d'avoir été renvoyés comme des malpropres au moment où les guerres se sont terminées. Et Dieu sait qu'il y en a eu entre 1680 et 1720, enfin, ça a été un festival de guerre, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Donc en fait, y a une injustice, et les pirates, à un moment donné, étant donné encore plus à l'époque de Bartholomew Robert, sont traqués immensément, notamment par le biais de ce pardon royal qui fait qu'on engage des pirates qui deviennent corsaires pour chasser des pirates. Ouais. Et à cette époque, en 1720-1722, on est clairement dans cette époque où justement on lutte contre les pirates qui ne sont pas bienvenus, alors que la cause de ce pourquoi il existe des pirates, entre autres parce qu'il y a un goût immensément prononcé pour l'argent, c'est parce qu'il y a aussi une injustice qui a été faite de « venez, on vous engage, on a besoin de vous parce qu'il faut faire dès que le travail actions, est fini, machin voilà. ». Et dès qu'on est dans un temps de paix, on ne va pas dire devant tout le monde qu'on a fait des trucs, alors au revoir. Je comprends. Et on peut faire grandement des parallèles aujourd'hui quand on voit qu'il y a de plus en plus, que le taux de chômage est énorme, que les jeunes n'arrivent pas à trouver d'emploi, que machin, que truc. Enfin, c'est une rébellion qui a lieu. Ou les usines qui ferment après 35 ans de service pour les employés qui sont sur le carreau et à ça. Qui on dit au revoir, on ne peut rien pour vous, messieurs, dames. On peut faire des parallèles. Et donc, il ne faut pas oublier que les pirates, même si c'est de la revendication hargneuse, c'est une revendication qui ne sort pas de nulle part. Mais je trouvais que le mot élégance était... il avait une connotation très forte pour toi. Oui, alors moi j'ai ma propre définition de l'élégance, mais alors Lucas, elle me va bien. Est-ce que tu n'as pas l'impression de naviguer entre deux mondes ? T'es très, quand tu parles de la piraterie et des pirates, on sent que ça te passionne. Mmh. Et quand tu parles de littérature classique, alors j'en dis juste un mot, je vais juste dire le nom de l'auteur. Edmond Rostand. Ah, juste, bien. Juste Edmond Rostand. Donc voilà, Edmond Rostand, les pirates, étaient un petit peu à la croisée de ces deux mondes-là. Ouais. Comment qui ne sont pas si éloignés que ça. Eh bien, c'était ma question. Je me dis, est-ce qu'ils naviguent complètement ? Est-ce qu'un jour, j'ai un Lucas pirate et le lendemain, j'ai un Lucas... C'est pas impossible. ...plutôt proche Edmond Rostand ? Ou est-ce qu'il y a une espèce d'équilibre qui se crée en... Il y a à la fois ce que tu viens de définir, mais il y a surtout un équilibre, parce que Rostand, c'est le panache, c'est le goût de l'indépendance et de la liberté, et les pirates, c'est ce qu'ils revendiquent. Alors, c'est clair qu'ils disent pas non à une poignée d'or, voire même plus qu'une poignée, mais c'est l'indépendance. C'est l'esprit libre, c'est aussi le panache, alors déjà défini par Rostand, mais il y a plein de pirates. Alors c'est clair que le romantisme n'est pas étranger dans l'esthétisation du pirate, donc logiquement on le voit avec le perroquet, Argue, etc. etc. C'est pas, on est vraiment sur une vision fantasmée du pirate, mais il n'en demeure pas moins que... On a quand même une représentation du pirate qui rappelle beaucoup tout ça. Quand on lit Le Corsaire de Byron... On est dans une esthétique qui est beaucoup sur la liberté, sur aussi le poids du destin. Ouais. Et quand on sait comment s'abattent les différentes Royal Navy, ben, en particulier la plus connue, les sociétés commerciales, contre ces pirates qui nuisent à leur profit, surtout dans un temps où on était clairement dans l'explosion du commerce triangulaire, ouais, dont certains pirates ont allègrement profité, hein, je veux dire, voilà. On a des chemins qui se font très rapidement entre Rostand et les pirates, même si il est clair que Rostand n'a pas en soi écrit sur les pirates, etc. Mais moi, je fais mon propre chemin aussi. Hein. Je ne suis pas que l'élève. C'était intéressant pour un auditeur qui ne te connaît pas. Je trouve ça intéressant d'en parler. Tu vois. Ah, mais je te dis, le mot qui me convient le mieux, c'est contraste. Et, je le saurais. Alors, avant qu'on passe à la dernière coupure musicale, j'ai une question qui me vient là comme ça. Est-ce que tu penses qu'on a d'autres pirates à découvrir ? Oui, je pense. On n'a pas encore fini avec l'histoire de la piraterie, tu penses ? Oh non, loin de là, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à déconstruire ce que, hélas ou heureusement, le romantisme a fantasmé. Ouais. Parce que aujourd'hui, quand on pense aux pirates, on pense au drapeau noir, on pense à tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le drapeau noir, factuellement parlant, avec les tibias entrecroisés, etc., c'était pas forcément toujours automatique, et ils ne sortaient ce drapeau que lorsque ils avaient vraiment la volonté d'attaquer. Et encore, les trois quarts du temps, ce qu'ils faisaient, c'est que pour éviter d'effrayer leur prise, c'est qu'ils hissaient un pavillon d'une nation, soit ennemi, soit ami, en règle générale ami, et puis après, ils fondaient leur prise, quoi. Et y a plein de c'était pas que les gros rustres qui viennent, voilà. Mais non, il faut pas oublier qu'ils sont marins avant tout, et donc du coup ils connaissent leur truc. Quoi, la culture populaire autour de la piraterie a quand même fait du mal. Disons que on part toujours sur le cliché. Enfin, oui, je veux dire, toujours. Comme tu parlais de Rostand tout à l'heure, la plus grande injustice que j'estime qu'on lui a fait, c'est de le réduire à Cyrano. Il faut toujours, dans une société qui a besoin de se rattacher à quelque chose, créer une case. Et donc, logiquement, si tu me poses la question de savoir si on en a fini avec la piraterie, pas du tout, parce que déjà, il faut déconstruire tout ce qu'on croit savoir et qui n'est pas forcément vrai. On a aussi, et je souhaitais en parler parce que c'est un travail qui est très important, l'archéologie de la piraterie qui est notamment dirigée par Jean Soula, qui fait des expéditions près de l'île Sainte-Marie, près de Madagascar, pour justement retrouver des vestiges, des assiettes, des morceaux de canon, pour justement remettre la vérité dans tout ce rêve. Moi, je prône le rêve. Mon bouquin, pour lequel tu as la gentillesse de m'inviter, prône aussi une certaine liberté. Enfin, je ne suis pas toujours fidèle avec l'histoire. Je vais pas me mettre en parallèle avec Dumas qui disait que certes j'ai pas toujours respecté l'histoire, mais je lui ai fait de beaux enfants. Là, je ne sais pas si c'est un bel enfant, mais en tout cas, ça a la volonté d'être fait avec le cœur et la passion. Donc je vais pas te dire qu'il y a que de la vérité et historique. Et ça, pour l'avoir lu, je trouve ça dépoussière l'image fantasmée qu'on a de la piraterie. Pas toujours, malgré moi, ça m'a aidé. J'insiste bien souvent dans le cadre de notes de bas de page ou choses comme ça pour bien dire que même si on raconte ça, qu'il y a parfois certaines limites à ce qui est dit. Enfin, je veux dire, quand on parle par exemple de Barbe Noire qui allume des mèches de chanvre dans son chapeau ou dans sa barbe, des mèches de chanvre, ça prend feu. Une barbe, ça peut prendre feu aussi. Donc, factuellement parlant, il y a des limites à ce qu'on peut dire. Et j'essaye, malgré une intention tout à fait onirique, de rétablir une forme de vérité dans tout ça, oui. Ok. Par des notes de bas de page essentiellement, mais c'est bien. J'essaye modestement. Mais t'essayes. Mais c'est pas ma première entreprise, voilà. En tout cas. Mais enlève le mot modestement. Au moins tu essayes. Tu as le courage d'essayer. Voilà. Ça, c'est bien. Alors on va passer à la deuxième coupure musicale de ton choix, Grossy Dogs. Groggy Dogs, ouais. Ah, Groggy Dogs, pardon. Coat of High Barbary. Ouais. C'est un anglais lorrain, mais c'est ça me va. C'est un anglais. Ça me va. Mais ça me va. C'est parce qu'en plus, j'ai extrêmement mal écrit. Non, mais attention, j'ai le même accent. Moi, quand je fais mes chroniques, notamment ici à Fadjet, quand je suis obligé de donner des traductions anglaises et que du coup, je suis obligé de dire des mots anglais, moi aussi, je rame, hein, justement, alors, parce qu'on parle de piraterie. Je rembobine. Grossy Dogs. Groggy Dogs. Groggy Dogs, Coast of High Barbary. C'est mieux. Déjà mieux. Alors, pourquoi ce titre que je ne répéterai pas ? Eh bien, parce que, tout simplement, parce qu'on a souvent parlé des pirates pour dire que, justement, il y avait des côtes, Nassau, un territoire beaucoup plus rêvé, la Libertalia, ou Madagascar, même, qui étaient, pour Nassau et Madagascar, des ports de pirates, Tortuga aussi, l'île de la Tortue, où il y avait, justement, beaucoup de barbarie. Et ce groupe qui est espagnol et que j'adorerais voir en concert... qui passe pas beaucoup en France, hélas, et je les ai déjà un jour contactés en disant mais passez en France que je puisse venir vous voir. Donne sur un ton assez rock, assez ils dépoussièrent en fait c'est ce qu'on appelle un petit peu le alors je sais pas si je peux parler de métal parce que moi je m'y connais que très peu dans les genres musicaux, mais ça dépoussière pas mal et c'est sûr que ça rocks beaucoup plus que Ronnie Drew qu'on vient d'écouter tout à l'heure, ça c'est une certitude. Bien. Donc il y a le côté doux et il y a le côté où on bouge quand même un peu parce que merde, il faut bouger. Bien, on écoute et on revient juste après pour ton actualité. Thank you. caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Lucas Dacosta, qui nous a parlé très généreusement de la piraterie et de tous ses mystères. Lucas, quelle est ton actualité, tes projets autour du livre ou autre? Eh bien, mon actualité se divise en plusieurs parties. Comme toujours, je suis assez actif. Ben, j'ai effectivement des chroniques radio. Tu peux rappeler le titre de tes émissions radio? Alors oui, sur Radio Graffiti, le dernier lundi du mois à 19h, ce sont les chroniques songeuses. D'accord. Donc 101.5 FM. Et à Fadjet, c'est le dernier mardi du mois, okay, à 19h, 94.2 FM. Okay. Bonjour Fadjet. et ce sont les pastilles poétiques. Ok. Continue ça, c'est régulier, bah ça oui, reste dans la programmation. C'est mensuel, effectivement. Okay. Que ce soit à Graffiti ou à Fadjet. Dans nos beaux locaux de Fadjet. Effectivement. Et donc, on a ça. Alors, les chroniques textuelles, cette fois-ci, je les ai mises un peu en parenthèse parce que je ressentais le besoin de me concentrer. Je ne reçois sur autre plus, chose. Effectivement. Oui, je les ai mis d'accord, un peu en parenthèse choses pour l'instant. Pas de point final, parenthèse. Oui. Parce que je pense que je vais les faire évoluer. Et tu fais d'autres choses en attendant. Ouais. Et puis, donc, une actualité bipartite, parce que actualité liée aux pirates, avec la mythologie personnelle et utopique des plus fameux pirates. Ouais. Et un ouvrage un tout petit peu plus scientifique cette fois-ci sur Edmond Rostand, où j'essaie justement de lier Edmond Rostand au mouvement du romantisme début du 19e. On a tout juste effleuré tout à l'heure. Mmh, effectivement. D'accord. Est-ce que tu as d'autres livres en cours? Alors, une idée de livre, voilà. Idée, non, mais j'ai toujours, quand j'arrive à écrire, parce que c'est toujours assez compliqué pour moi, quand j'ai l'inspiration, j'écris des poèmes. Donc, je pense que je ressortirai un recueil de poèmes. Oui. Quand, je ne sais pas, peut-être dans quelques mois. Mais c'est dans un coin de ta tête, oui, voilà. Et il est presque prêt, mais j'ai toujours à dire, est-ce que je fais figurer tel poème? Est-ce que je mets ça? Est-ce donc, que je mets ci? On va dire en cours de maturation. C'est un peu ça, oui. Ok, donc une belle actualité déjà. Oui, mais je suis toujours assez actif. Moi, j'aime bien quand ça bouge. Et en parallèle, voilà, j'ai mon activité de formateur qui bouge aussi pas mal. Un jeune homme épanoui. Oui, en quelque sorte. Eh bien, voilà. Super. Merci beaucoup, Lucas. Ah, j'ai oublié. Si jamais on veut te contacter pour te poser des questions sur l'interview qu'on veut faire, est-ce que tu as peut-être une page Facebook, Insta ou que sais-je? Alors, j'ai un Instagram qui s'appelle le Silène Onirique. D'accord. Alors, c'est assez complexe. C'est le tiré du 8 Silène, mais S-1-L-E. E-N, d'accord, tiré du 8, onirique. Je pense que le plus simple serait que sur la page de ton émission Fadjet, je mette le face apparaître un arbre à lien où figure du coup mes chroniques textuelles, le lien chronique radio, etc. T'as un profil Facebook ou pas? Non. Enfin, disons qu'en plus de tout ce que je n'ai pas dit, j'ai un site d'actualité sur Edmond Rostand. Ça m'intéresse. Oui, un site d'actualité sur Edmond Rostand et je passe par Facebook pour diffuser l'actualité de ce site-là. Imaginons un auditeur ou une auditrice veut te poser des questions sur les pirates. Alors, ce serait plutôt sur le Silène Onirique, parce que... et puis, j'ai aussi un compte Instagram où là, je fais vraiment le cosplay lié à la piraterie. Mais le plus simple pour me contacter, c'est le Silène Onirique. Donc, je pense que je donnerai un arbre à lien où on pourra justement retrouver le lien de mon compte Instagram si personne veut me contacter, avec plaisir, car je réponds toujours avec une assiduité. Parfait. Folie. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir accepté cette invitation. C'est merci infiniment plaisir de m'avoir invité, Sarah. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Pour de nouvelles aventures poétiques ou de piraterie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de rêver, surtout. Ça marche. Merci.